Négro jokes, 4 crises. Mais ça ou de Boca. Wadi. Gonzo. Humaniste. 13. L'union fait la force de frappe. Hey, Unity, la question tourne en boucle. Viscéral comme un like sur ton Facebook. Le monde s'étouffe, restez debout, notre consigne. A leur conseil, notre major pour estime. Qu'on sente la somme des doutes, les foules s'éteignent. Les crispations d'un grand visage et pense éternes comme une suite logique. Le monde rit aujourd'hui, depuis son origine. Mais dans l'espoir des peuples, il flotte son ADN. Parce que notre nombre et notre force, allons seulement. C'est pour l'amour du beat et pas du bif que je kick ça. Thématique hip hop, les potes, l'époque du cost là. Flashback dans un ghetto blaster track là. Combien d'années passées à gratter, artiste. On a grandi avec Love, Unity and Peace. J'suis accro à cette musique depuis mes 15 piges. L'union fait la force de frappe en mode prestige. On est tous des marmots du ciment, tristesse profonde. Avec des mots hallucinants, les cicatrices restent trop sombres. J'ai assez d'idées lumineuses pour éclairer ta lanterne. Tu fais un frein avec le mot, dis pas que tu vises à long terme. Qui se ressemble, ça semble, ça semble, ensemble, ça semble. Être le nouveau cycle d'un grand ensemble, pensant sur ses propres sens. C'est dans l'espoir que certains se misent et à l'espoir que j'ai ainsi. L'union fait ma force de frappe, c'est une histoire de principe. Du rap, pas du Pythagore, pas de beat rapport. J'arbore des perles, style Pearl Harbor. Fla qui chale, nuage magique, même le tapis crame. Coup pour coup, full contact, kung-fu, Jackie Chan. Alerte rouge et pilule bleue. Mets la charrue avant les E. Si t'as la haine, rentre dans E. Prends le cocu par les cornes, fais la queue ou je te secoue. Ce soir c'est pleine lune et j'ai la queue de Sangoku. On s'unifie car pour beaucoup c'est chacun pour sa bonne. Ça, mon riff, je rappe et donne de l'amour, c'te vie me passionne. Est-ce que t'entends ça kick petit, faut que t'écoutes ça fort. Soyons ensemble, ah oui, j'oublie pas que solo, suis qu'un homme. Viens, j't'invite à partager un coin de table. J'suis bien avec les miens, ouais, retiens que dès le matin j'frappe. Un frein ne m'arrête plus, ça pique, mec, j'vise la cause. J'suis comme un grain de sable perdu parmi 7 milliards d'autres. Les occasions se font rares et j'n'aime pas les actes manqués. C'est exactement pour ça qu'un 8 c'est toujours bon à flanquer. J'aime les plans quand en stud et en groupe, penses-tu que sans crew le rapport est percé. Poste cassé, centre d'intérêt, on parle des MC et des intéressés. Pré ou poste, trap se greffe, hip-hop gravité. Un rappeur se doit de gratter, bien plus qu'un greffier. Plus qu'un créneau, c'est le train de vie, ça peut se vérifier. Tellement j'ai le rap en moi, j'kick fort, ouais on fait ça ensemble. Le track comme la première fois, ici on est tous dans le bon sens. Lune pleine, on fait les choses, pas de délit de conscience. T'adhères pas, j'peux plus rien pour toi, j'prends la renaissance. Humain et sincère, à quoi ça sert si le cœur n'y est pas. Rajoute du bon à ce monde, car l'amour n'y est pas. Histoire de principe, tout pour le hip-hop représente la loi. Travail d'orfèvre, on multiplie les voix. J'ai grandi entouré, j'ai fini par tout repousser, les grands m'ont dit. Pas grand chose en fait, ils se sont tous plantés, se concertés. En équipe, on reste concentré. J'imagine pas tout ce parcours en étant seul et isolé. Unité, ma thérapie, à plusieurs on réagit. L'union fait la frappe, l'union fait de la trappe, Nigo. Le mouton, je l'attrape, Gigo. Écoutez, partage, poteau. On est l'enfant seul, Doxmo, connecté au même réseau. Laisse-moi te dire qu'à 8 on est plus fort pour pousser le camion. Mix un max de pistes, oublie l'idée du pognon. Je reviens à l'essentiel, on doit pousser dans le même sens. L'essence même, lui connaître, t'as la cadence même. Plume affûtée, rime appliquée, hip-hop identité. Lexique dompté, équipe montée, une seule unité. Reprends la base et le partage, quelques ratures sur papier. T'as jamais vraiment compris la voix du rap français. Fais la